Ouais, ça je pense bien, mais comment ça se fait que moi je t'entends pas, gros? Bah tu sais pas, tu sais pas. Alors attends. Alors new channel transmis input one. Donc là c'est mute mute. Donc ça c'est le master. C'est quoi le master? Attends, gros, je crois que j'ai peut-être trouvé le truc. Alors attends, hein. Attends 2 secondes, je vais mettre le casque. Ah, je crois que c'est moi qui m'entends. Je crois que là, c'est les latences. Attends.